Yenaiku Ablon. Voilà, il vient de famille de la commune de Noailles, mon père, et ma mère de la commune de Blum. Ma mère a vécu au Savary de Blum, qui est un village isolé de la montagne de Blum. Et alors, mais il me marida avec un homme de Blum, ce que parlait le patois, Lucien Lamant. Hein? Et nous parlions tout patois, hein? Oui, Même alors petit, nous disait, parlions parlez-moi de patois. Quand l'éveillade nous de allons à l'école, l'ancienneté. que nous arrivions à l'école, mon frère et moi, nous parlions Nous patois. prenons les boursades. Toulousain, qu'est-ce qui s'est passé, vous, l'éveillade? Bien sûr. Jusqu'à Calouro. Ah, que j'en Bonjour, Damien. Bonjour, Que chantez-vous, Oh, que... quand t'es moi, comme je Et que verrai. dansez-vous aussi? Bien sûr. Quand t'es nous d'autant à l'oreille, qu'elle nous danse avant qui. Qu'appelez-vous le recteur? Et voilà chez Marida. Et va y trouver le curé. Le recteur, que vous mettez. Père, il demande à Conchel. Et à Tisha Keshadana. Monsieur le curé, il répond. Jean-Pierre et mon ami traînent à mon yurt, Sacha profit. Dès qu'il n'y a tout à fait, non, quand l'aura. Des pots de chèque de monsieur le curé, si coche et pot. Et non pas de carcayenne si raille Alors, la langue pas aujourd'hui, chaud. dans son ensemble, hein, pas Jean-Pierre seulement en et mon limousin, elle s'écrit finalement beaucoup. Elle se chante, il y a de la création, mais malgré tout, elle se parle de moins en moins. Elle n'a pas été transmise après la Deuxième Guerre mondiale, en gros, hein, les gens ont arrêté de transmettre à leurs enfants leur patois. Et ça a été un choix, alors un choix influencé, hein, par un conditionnement social, c'est sûr, mais l'idée c'était que. Pour pouvoir accéder à des hautes fonctions, enfin, les meilleures fonctions possibles pour leurs enfants, eh bien, il fallait parler bien français et que le patois, c'était un frein, quoi. C'est certainement ce qui s'est passé. Alors, ce qu'il faudrait dire, et là, ça me semble important, c'est que ce n'est pas parce que la langue est devenue résiduelle maintenant dans les usages publics et intimes que c'est insignifiant. Bon, c'est. Ça peut être résiduel, mais ça a une signification, voilà, importante quant à, au fond, ce qui fait, au fond, l'être de cette région. Se domande nabua, se domande nabua, nous le zin servirum d'onde. L'Occitan en Limousin, épisode 1, histoire et développement. Alors, donc Jean-Christophe Dourdet, enseignant-chercheur en linguistique, avec une partie consacrée aux langues régionales, l'occitan d'un côté, le poitevin-saintongeais de l'autre, à Poitiers. Alors, la langue occitane, comme l'espagnol, l'italien ou même le roumain, dérive essentiellement du latin. Mais le latin classique qu'on apprend à l'école, en fait, c'est un latin littéraire. Le latin s'est diversifié très, très tôt, comme toutes les langues, il s'est dialectalisé. Et au cours du premier millénaire, en rencontrant d'autres langues, il s'est transformé. Ce qui a donné naissance à des langues romanes, des langues dites néolatines aussi. On dit comme ça souvent en italien, plutôt néolatine que romane. Et par ici, donc, ça a donné naissance à la langue d'oc, dans la partie sud donc, de ce qui allait devenir la France, et à la langue d'oïl. Mot qui a donné le mot oui, on devrait dire langue d'huile, dans le nord. Donc l'occitan, c'est une variation dialectale, finalement, historique du latin, avec des substrats, alors des substrats de langues qui ont été parlées avant, donc des substrats celtes, et puis des superstrats, bon, il y a un peu de franc. Pas tant que ça, parce que les Francs étaient plus au nord. Voilà, donc ça a fini par émerger à la fin du premier millénaire. Et comme langue importante, puisque la littérature d'oc, qui était essentiellement orale, au départ, chez les troubadours, ces poètes d'expression, on dit aussi anciens provençales pour le Moyen-Âge, c'est devenu la première littérature en langue dite vulgaire du peuple en Europe. Voilà, en concurrence donc avec le latin dans un premier temps. Finalement, elle a été couchée à l'écrit par des scribes, des moines, des copistes. Et puis, donc ils ont donné vraiment, ça a donné vraiment ses premières lettres de noblesse à la langue. Donc ça a commencé comme ça. Et puis, il n'y a pas eu de standard, enfin, il y a eu une forme moyenne de langue au Moyen-Âge, puisque les troubadours écrivaient dans ce qu'on appelle une koiné, une langue moyenne, une koiné littéraire. Hein, il n'y avait pas de koiné pour le peuple. Chacun parlait à sa manière, évidemment, hein, à cette époque-là. Et puis ça a perduré jusqu'au XXe siècle. De toute façon, chacun a parlé à sa manière. Même si aujourd'hui, il y a un occitan standard qui émerge un petit peu, mais plutôt du côté du Languedoc, quand même. Hein, plutôt du côté du Languedoc. On n'enseigne pas l'occitan standard à Limoges, par exemple. Je m'appelle Nicolas Quin, je suis directeur de recherche en linguistique au CNRS. Alors 1000, ça tombe à peu près avec les premières attestations de ce qu'on appelle l'Occitan. Alors il a peut-être existé avant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, à partir de ce moment-là, ce n'est pas un hasard si on a les premières attestations d'Occitan à ce moment-là, c'est que vers la fin du premier millénaire, les gens ont conscience à l'époque de parler latin. Et d'ailleurs, ils disent « on parle roman hein, », c'est le terme aussi qui a donné le roman en français qu'on lit, puisque c'est quelque chose qui est écrit en roman, donc en fait en langue romane. Et les gens ont conscience de parler quelque chose qui vient du latin, qu'ils appellent souvent le roman, et ils commencent à se rendre compte que, de toute façon, ce qu'ils parlent, même si ça vient du latin, c'est plus du latin, parce qu'ils ne comprennent plus le latin. Hein. Alors le tournant officiel, c'est Charlemagne, puisque Charlemagne rétablit d'une certaine façon la latinité scolaire puisqu'il développe les écoles, c'est pour ça qu'on dit qu'il a fondé les écoles, parce que comme il a un empire relativement prospère et fort politiquement, qui se conçoit comme un héritier de l'Empire romain, il redéveloppe l'usage du latin à l'école, et très vite, sous son règne aussi, il déclare que dans les églises, le sermon sera fait « sermo rusticus », ça veut dire en fait dans la langue des campagnes, donc du peuple. Parce que justement, le peuple ne comprend plus quand on lui parle latin. Donc on encourage les intellectuels, mais il y en a très peu à l'époque, à apprendre le latin parce que bah, c'est quand même les racines de l'Empire. Mais en même temps, on admet le fait que s'il faut parler au peuple, ce n'est pas en latin parce qu'il ne comprend plus. Donc ça, quelque part, c'est un petit peu l'acte de naissance du français, de l'occitan, des langues romanes modernes. C'est-à-dire que là, vers la fin du premier millénaire, les gens se rendent compte que ce qu'ils parlent, ce n'est plus le latin, c'est autre chose. Alors là, après, ben, ça prend des noms différents selon les régions romanes. Hein. Donc, à l'époque, alors c'est pas d'ailleurs... voilà, l'Occitan, c'est des noms qui ont été plutôt... Alors, c'est vrai que le terme Occitan a été employé dès le Moyen-Âge, mais les gens, à l'époque, n'avaient probablement pas la conscience de parler l'Occitan comme actuellement on veut la développer, on essaie de la développer. Ils parlaient des variétés de romans, et ils se rendaient bien compte, effectivement, que dans le midi de la France, on ne parlait pas celle du Nord. Ça, c'était à peu près conscient, pour le coup, je pense. Ah ben, Marzoï. Allez, Nicolas. Jean-François Vigneault travaille à l'Institut d'études occitanes du Limousin. Il est également conteur. Ce qu'on peut trouver, c'est qu'il y a les fragments d'un poème dont on pense qu'il émane de l'abbaye Saint-Martial à Limoges, c'est le poème de Boëce, ou qui est rédigé en langue occitane, et c'est juste avant l'an 1000. Ça doit être aux environs, alors je vous parle de mémoire, 960 ou 980. Voilà, donc ce sont les premières traces écrites de l'occitan, et c'est un texte limousin. Voilà. Bon, ce qu'il faut dire quand on a une approche historique, c'est qu'effectivement, un des foyers culturels de l'occitan et de la production écrite occitane, ça a été Limoges. Bon, alors on passera vite, effectivement, le Limousin du Moyen-Âge, c'est l'époque du Limousin des Troubadours. Les premiers et les principaux, ils sont de cette région-là, hein, effectivement. Après, ça a essaimé un peu plus au sud, sur toute la région occitane. Mais c'est vrai que jusqu'au XIIIe siècle, le Limousin est la langue, comment dire, la langue de création artistique au sein de l'Occident chrétien, véritablement. On rayonne, qu'est-ce que vous voulez, il y a eu des époques de gloire, bon, ça, c'en était une. La coïnée littéraire des troubadours. Alors, le premier des troubadours, c'est Guillaume de Poitiers, duc d'Aquitaine, comte de Poitiers, duc d'Aquitaine. Je le disais tout à l'heure, on pense qu'il y en a des attestations que Locke montait plus haut jusqu'à Poitiers au Moyen-Âge. Mais la coïnée littéraire des troubadours a été essentiellement faite à partir du Limousin. Alors Bernard de Ventadour, Bertrand de Borne, Guéraud de Bourneil, Arnaud de Mareuil, Jérôme Faidit, ainsi de suite. Et donc c'est vraiment là-bas, c'est le Limousin qui a donné ses premières lettres à la littérature d'oc. Donc le Limousin parlé par le peuple, on ne sait pas exactement comment il était, et forcément il n'était pas non plus complètement étranger à la langue littéraire, sinon il n'y aurait pas eu de langue littéraire. Et puis les autres troubadours se sont greffés là-dessus à la suite des troubadours limousins et ont utilisé sans doute des limousinismes aussi, mais ont utilisé aussi leur propre variante dialectale. On reconnaît chez les troubadours quelques traits dialectaux, mais pas. C'est pas toujours facile de localiser exactement la langue d'un troubadour, parce que non seulement il y a la langue du troubadour, mais il y a aussi l'influence de la langue des copistes. Dans quelle mesure la langue du moine qui couchait à l'écrit les poèmes, les poésies, les chansons, les chansus des troubadours a influencé, dans quelle mesure a-t-elle influencé ce qui a été couché à l'écrit? On ne sait pas toujours, donc c'est un imbroglio difficile à démêler. Après, au cours des siècles, on a d'autres traces de littérature. Alors, c'est plus l'époque, la grande époque des troubadours, mais au XVIe siècle, on a des renaissances littéraires, du côté de Toulouse, du côté de la Gascogne aussi. Et là, on utilise aussi une graphie qui n'est plus la graphie classique de l'époque des troubadours. On va utiliser une graphie qui va être un peu plus influencée par le français. Et on voit surgir aussi des traits dialectaux plus marqués dans la langue. Donc on identifie assez bien du Toulousain ou je ne sais pas moi, du Gascon, quoi. C'est assez net. Et puis encore après, au XIXe siècle, autour de Frédéric Mistral, en Provence, il y a eu à nouveau une renaissance littéraire qui s'est faite autour du Provençal rhodanien. Ce qui est sûr, c'est que justement, pour quelqu'un de la région de Poitiers, utiliser l'occitan comme langue d'expression littéraire, c'était finalement normal, c'était un des outils, c'était proche, et les gens comprenaient. Et les gens étaient sûrement beaucoup plus souples de ce point de vue-là, parce que même si on ne parlait pas tout à fait la variété d'à côté, c'est un peu comme dans le monde arabe de nos jours. Dans le monde arabe, il y a énormément de variétés dialectales d'arabe, qui ne sont pas forcément compréhensibles toutes entre elles, mais il y a une conscience culturelle de parler l'arabe, et du coup, les gens s'adaptent. Et à cette époque, dans le monde roman, c'était ça, en fait. Les gens n'avaient pas conscience de parler le français, l'espagnol, l'occitan, etc., mais ils parlaient des variétés romanes, ils avaient l'idée que ces variétés romanes s'organisaient quand même en gros système, et en fait, quand ils changeaient d'endroit, ils s'adaptaient. Et il n'y avait pas du tout la notion de frontière linguistique, ça c'est clair. Là, il y a un événement, enfin, c'est une date que, quand on parle des langues de France, c'est une date qu'on voit toujours, c'est 1539. 1539, c'est la date où on est sous le règne de François Ier. Il y a l'édit de Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts, c'est une petite ville de l'Aisne, elle est célèbre pour cet édit qui consacre la langue française comme étant maintenant la langue exclusive du royaume dans la rédaction des actes civils, dans la rédaction des actes religieux, notariés, bon, enfin voilà. C'est-à-dire que ça fait du ménage à la fois pour le latin, parce qu'on continue à écrire beaucoup en latin, et plus grand monde est en mesure de le comprendre. Ça assoit immanquablement le français, et puis voilà, c'est aussi un coup de pied au derrière pour les langues qui pouvaient encore avoir une existence écrite. Et le fait est que durant tout le Moyen-Âge, à Limoges par exemple, sans aller plus loin, ben, les registres du consulat de Limoges sont écrits en occitan. C'est la langue de tout le monde, c'est la langue de l'écrit, on l'écrit, voilà, on ne se pose pas la question. Cela dit, déjà, la fin du XVe siècle, et avant cet édit de Villers-Cotterêts, on voit dans le registre du consulat qu'il y a comment, une espèce de conformisme et qu'il y a la langue du roi et qu'on commence un petit peu, voilà, comme aujourd'hui on pourrait tenter d'angliciser son discours. Bon, mais là, à l'époque, c'est toujours pareil. On cherche à se rapprocher de la langue de l'élite. Donc les scribes limougeaux déjà abandonné un peu la langue de leur région pour passer à un français qui sonnait mieux, que pas grand monde devait comprendre, hein, cela dit, mais... C'est pour ça qu'il y a des années assez rigolotes où il y a un bouéradil entre français et oc dans les registres du consulat. Villers-Cotterêts, pour la zone occitane, ne fait plutôt que cautionner un état de fait qu'imposer l'occitan. Hein. Dans la plupart des régions occitanophones, le français était devenu langue administrative avant Villers-Cotterêts. Voilà. Oui, ça c'est... Alors c'est la date qu'on a retenue, c'est les images d'Épinal, voilà, c'est la mythologie nationale. Alors la date, elle compte du point de vue symbolique parce qu'en fait, ça marque l'affirmation du français face au latin. Hein, parce qu'avant, c'était le latin, la langue par excellence. Et là, bon, ça fait déjà au XVIe siècle, ça fait déjà des siècles qu'on écrivait beaucoup français. Mais là, voilà, bon, là, le roi dit stop. Même pour l'administration royale de plus haut niveau, on parle français, on est sûr de nous. Mais c'est toujours ça, hein, c'est le fait de se sentir assez sûr pour assumer sa langue. Voilà, les Français, ils sont puissants, ils parlent français, ils l'écrivent. Les gens qui parlent latin, ils peuvent écrire latin, mais les actes royaux vaudront en français. Et puis, cette langue, elle a souffert de finalement ne jamais, depuis le Moyen-Âge, même au Moyen-Âge, voilà, les gens ne concevaient absolument pas les rapports d'État-nation comme de nos jours. Et cette langue, ouais, finalement, n'a jamais été l'étendard d'une structure politique, hein, que ce soit une nation, une région, je ne sais pas. Et donc, au moment où la modernisation de l'éducation s'est faite, en particulier l'éducation de masse, mais pour la zone occitane, c'est très tôt. Hein, donc, il y a une des choses qui ont favorisé l'utilisation de certaines langues parlées qui n'avaient pas accédé à l'écrit, c'est le protestantisme, par exemple. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a eu beaucoup de méridionaux qui se sont convertis au protestantisme au XVIe siècle, hein, au XVe, XVIe, au moment de la Réforme. Ben, ils n'ont pas choisi l'occitan comme langue du culte, alors qu'ils étaient tous occitanophones à l'époque. Ils ont choisi le français. C'est-à-dire que le français avait déjà assez de prestige à l'époque pour qu'on ne pense pas sérieusement à lire la Bible en occitan. Enfin, c'est intéressant comme notion. Et alors il y a eu des débats dans certaines communautés, par exemple les habitants des Carterons dans la zone Vivaro-Alpine, à la limite entre l'Italie et la France. Je crois que c'est ça, hein, c'est les Carterons. Et donc c'était des zones de paysans libres, ils étaient tous occitanophones bien sûr, et ils se sont posé la question de la langue dans laquelle ils devaient traduire la Bible. Ça a été débattu et ils ont choisi le français parce que ça avait une plus grande diffusion, alors qu'ils ne le parlaient pas. Hein. Et ce qui a fait que les gens qui se sont alphabétisés, même dans le cadre de la réforme protestante, l'ont toujours fait en français. Donc voilà, l'Occitan n'a vraiment pas pris le train de l'éducation de masse très tôt, en fait. Et quand l'éducation de masse s'est faite avec la République française, de toute façon, le français était conçu comme l'unique langue du progrès à l'époque. Donc les enfants ont été scolarisés massivement en français. Et là, c'est ça qui a vraiment scellé le destin de la langue comme langue parlée. Hein, c'est-à-dire que, d'une part, on a formé les enfants français, d'autre part, on leur a bien fait comprendre qu'il ne fallait pas qu'ils parlent occitan. Et au bout de quelques générations, c'était fait, quoi. À partir de 1950, on peut considérer que l'énorme majorité des enfants en âge scolaire sont désormais francophones. Donc il reste évidemment les gens qui ont appris l'occitan avant, mais après c'est plus qu'une question de temps pour qu'ils disparaissent, quoi. Donc voilà, les jeux se sont faits entre 1900 et 1950. Voilà, c'est le basculement de la transmission de la langue. Alors c'est vrai que c'est assez récent en fait, et souvent voilà, des gens qui ont été élevés dans une grande ville de l'ère occitanophone de nos jours ont beaucoup de mal à imaginer qu'on parlait occitan dans les rues il n'y a pas si longtemps. Voilà. Enfin, à force, ça finit par faire de plus en plus longtemps, mais c'est pas des durées phénoménales. À Limoges, on sait qu'au début du XIXe siècle, on a comme ça c'était à l'époque celui qui vient diriger le lycée Gay-Lussac. On est dans les années 1820. Il s'appelait François Saugé-Préneuf. François Saugé-Préneuf déboule là, il venait de Vierzon, là-haut, en plus au nord. Il arrive à Limoges. Et donc, forcément, lycée Gay-Lussac, il côtoie la bourgeoisie de Limoges. Il est effrayé que les bourgeois de Limoges parlent encore en patois, y compris avec leurs enfants. Enfin bon, ça le pauvre François Saugé-Préneuf, bon que ce soit le petit peuple à la limite, mais les bourgeois, merde. Et du coup, il en fait un bouquin qui s'appelle « Le dictionnaire des locutions vicieuses en usage dans la province du Limousin ». Locution vicieuse, enfin voilà, on sent bien. Voilà, mais en fait, cette constatation nous dit quand même qu'il y a 200 ans, voilà, tout juste 200 ans, à Limoges, la bonne société parlait encore. Et alors, je ne parle pas dans les campagnes. À cette époque-là, même à la fin du 19e, hormis le curé, les premiers instituteurs, le notaire s'il y avait, le maire, c'est à peu près tout. Personne dans nos campagnes, fin 19e, est en mesure de parler correctement la langue. Mais petit à petit, c'est vrai que le 19e, c'est le siècle de l'ouverture au monde, à l'économie plus moderne. Petit à petit, dans les villes, assez rapidement, fin 19e, la bourgeoisie parle français, même si bien souvent, on a beaucoup de liens encore avec la campagne. On a des domaines à la campagne, les hommes continuent à parler hoc. Dans les quartiers ouvriers, ça parle occitan, bien entendu, parce qu'à cette époque-là, un ouvrier à Limoges, c'était jamais qu'un ancien paysan. Voilà, cette émigration paysanne, ou un fils de paysan, tout au plus. Donc, ça continue à parler. La langue s'est transmise dans la plupart des quartiers de Limoges. Et dans les campagnes, eh bien, le phénomène, comme toujours, prend un peu plus de recul. Dans les campagnes, eh bien, dans les années 30, on continue encore, dans les familles vraiment rurales, à parler en occitan aux enfants. Et le basculement, ce sont les années 40, où il y a un basculement. Et alors, c'est ça qui est fascinant. Enfin, moi, je trouve ça fascinant, ce basculement, parce que c'est concomitant dans plein de régions de France à la même époque. C'est-à-dire qu'en Bretagne intérieure, c'est à la même époque. C'est-à-dire qu'au sein des familles, on change le système linguistique quelquefois entre les enfants, c'est-à-dire entre les aînés qui sont nés dans les années 30, auxquels on a parlé la langue du pays, sans trop se poser de questions. Et ceux, les petits derniers qui ont pu naître à la fin des années 40, eh bien, bien souvent, et pour peu que les petits derniers soient des petites dernières, des filles, les mères, parce que souvent ce sont les mères qui ont été conscientes que, voilà, que le monde changeait, que les campagnes n'avaient plus d'avenir et que les patois, enfin l'occitan, le breton, que leur langue ne collait plus avec la vie qui désormais, auquel leurs enfants pouvaient accéder. Eh bien, ils ont changé de système linguistique. Et je trouve ça, enfin, moi, fascinant, parce que... Enfin, fascinant et à la fois et effrayant. C'est-à-dire, que comment on peut changer? Moi, je vois déjà la difficulté que j'ai pu avoir, moi, à ne pas pouvoir parler en occitan, mes gamins. Voilà, parce que ça n'était pas commode de changer de système. Eux, ils y sont arrivés, ces gens-là. Et ça veut dire vraiment la force du conformisme à cette époque, ce poids social vraiment qui pesait, quoi. Se dire que, putain, mais il n'y avait plus rien à faire, là. Il fallait partir au métro ou à la poste à Paris et que... plus d'avenir, assez fort, hein, vraiment. Parce qu'on dit communément, c'est l'école qui a tué. Certes, l'école, ça a été un coup violent, mais il y a eu trois générations entre les années 1880, les lois Ferry et les années 40. Il y a trois générations qui sont succédées à l'école, qui étaient des petits paysans en sabots qui arrivaient à l'école, qui se faisaient tonner les premiers mois parce qu'ils parlaient patois. Donc, ils essayaient de parler un français à peu près correct à l'école. Et puis, dès qu'ils étaient à la cour de récréation ou dehors, on se remet parce que toute la vie autour, elle est dans une autre langue. Donc, l'école n'a pas suffi. Ce qui vraiment a été la chose la plus violente, ça a été l'arrivée du conformisme, le jour où les gens ont capitulé. Ils se sont dit, ah, bon, mais maintenant, c'est plus la peine. Ça, c'est vrai, c'est dévastateur. Parce qu'à partir de là, à partir du moment où il y a une génération qui est sautée dans les familles, puis deux, maintenant, on est à la troisième. Voilà, c'est dur de recoller les morceaux. Déjà, alors, il y avait eu, puisqu'on est encore un peu à la charnière 19e, 20e siècle, il y avait eu... Pierre Maclouf, sociologue. Une sorte de prise de conscience de ce phénomène linguistique autour du Philip Bridge. Hein, donc, lui, avec Mistral, Mistral en Provence, mais le Philip Bridge est installé aussi dans toutes les régions où on parlait la Languedoc. Hein, et en Limousin aussi, bon, et Et donc là, déjà, Philippe Rich voilà, agissait pour maintenir une. Ils se définissent comme des mainteneurs, hein, maintenir une sorte de, d'identité, de ils n'emploient pas le terme d'identité d'ailleurs, mais maintenir une sorte de fierté, on va dire, oui, linguistique, hein, et culturelle plus largement, avec une sorte de. Aussi de. Il y a une sorte de morale aussi dans Philippe Rich, de morale de certaines organisations sociales, si vous voulez, face voilà, à un mouvement d'acculturation assez massif. Quoi. Bon, puis dans Philippe Rich, bon, il y a tout un ensemble de dimensions en termes de, on va dire, de valeurs quoi, sociales, culturelles, enfin, en sus quoi, du phénomène proprement linguistique. Hein. Donc, quand le Philippe Rich naît, donc sous la houlette de Frédéric Mistral et d'autres Félibres comme Théodore Obanel, Joseph Roumani, il naît en Provence rhodanienne. Il est basé sur une littérature qui se veut une exaltation du terroir. Donc plutôt quelque chose d'assez conservateur, plutôt conçu comme conservateur. Il donne une littérature importante, hein, dans la deuxième moitié du 19e siècle, un peu partout. Frédéric Mistral recevra le prix Nobel, alors je ne sais jamais si c'est 1904 ou 1905, prix Nobel de littérature. Malgré tout, il y a une partie de ce Philippe Rich qui va moins se reconnaître dans les thèmes qui sont abordés par cette littérature, c'est ce qu'on va appeler le Philippe Rich rouge. Et de ce Philippe Rich rouge, donc rouge hein, par rapport à la couleur politique, va naître l'occitanisme, avec d'abord la Société d'études occitanes en 1935. La Société d'études occitanes se dégage un petit peu des thèmes traditionnels du Philippe Rich pour aller vers l'exploitation de tous les genres littéraires et de toutes les idées. Donc plus progressiste, on va dire. Bon, la guerre passe par là. Alors, la guerre passe par là, ça met un joli bazar, hein, parce qu'il y a eu, effectivement, dans le Philippe Rich, une droite assez maurrassienne. Voilà. L'occitanisme naissant, et n'a pas toujours été épargné non plus par des faits de collaboration ou de choses comme ça. Hein. Louis Alibert, notamment, qui a été accusé d'être collaborateur. Alors, je ne sais plus exactement sur quoi ça a débouché, mais il y a eu un procès à la fin de la guerre. Voilà. Après la guerre, tout se reconstruit sur des bases nouvelles, donc à partir de 1945, et on crée l'Institut d'études occitanes. Ça fait comme le Philippe Rich, ça provigne un peu partout. Et dans les années 60-70, on a un revival, ouais, comme on pourrait dire en occitan, coché rivicol, ça renaît. Et il y a de la littérature, de la chanson engagée notamment, Marty, en Limousin-Périgord, bon, ben Jean Domeyo avec Lou Darouillé et Jean-Paul Verdier, qui est décédé il n'y a pas si longtemps. Donc ça devient assez foisonnant et ça s'agglomère aussi avec des mouvements comme Voulin Vieux Real País du côté du Larzac, avec les luttes contre l'installation d'un camp militaire sur le plateau de Mille Vaches également, en Limousin. Donc tout ça est plutôt associé à un mouvement qui se veut progressiste, j'allais dire proto-écologiste. ça sème un peu les bases... de l'écologie qui va se développer un petit peu après. Donc je m'appelle Baptiste Chrétien et ça fait 4 ou 5 ans que je suis complètement... employé au pôle Limousin et Patrimoine de la médiathèque de Limoges. Et donc les fonds occitans font partie des fonds que je suis appelé à gérer, évidemment, et à promouvoir. Alors, il y a deux choses. Les premières occurrences du mot Languedoc, on ne disait pas occitan, mais Languedoc, Ça remonte au Moyen-Âge et puis ça a été popularisé par Dante Alighieri, l'auteur italien, qui lui a parlé de langue d'oc, paraît-il, pour l'opposer à la langue de Scie et à la langue d'Oïl, voilà, aux autres langues européennes qu'il connaissait. Mais le terme occitan, son usage est quand même beaucoup plus récent. Alors il y a des disputes, des débats pour savoir s'il a vraiment été utilisé très tôt, il y a plusieurs siècles. Bon, ce qu'on sait, c'est qu'il a vraiment, il s'est vraiment développé à partir de 1945, en fait, et la création de l'Institut d'études occitanes, voilà. Donc c'est Ismaïl Girard, c'est ensuite Robert Laffont, dans les années 50, 60, 70, qui étaient des grands militants occitanistes, régionalistes, tout ça, qui ont réécrit un peu une histoire occitane et qui ont tenté d'imposer le terme occitan à tout le midi de la France. Mais il n'a pas été accepté par tout le monde. Hein. Il y a encore des gens qui ne veulent pas qu'on appelle leur langue provençale ou limousine ou gasconne ou auvergnate, qui ne veulent pas qu'on l'appelle occitan. Hein. C'est pas... Mais voilà, le terme occitan, dans les années 60-70, c'est devenu un outil politique un petit peu. C'est-à-dire que c'était un mouvement qui était un mouvement linguistique de promotion culturelle, mais qui était aussi quand même, et presque surtout, un mouvement politique de gauche, d'extrême gauche, voilà. Bon, alors donc il y a cette éclosion après-guerre, mais l'occitanisme d'après-guerre, ça quand même reste un occitanisme, comment dire, certes classé à gauche, mais plutôt de philosophes, d'écrivains, de littérateurs. D'intellectuels. Ça parle assez peu au petit peuple, ni franchement à la jeunesse, quoi. Et c'est là qu'il y a un autre revival, c'est celui des années 70. Dans la lignée des mouvements du Larzac, l'après-68. Jean-Marie Connet, directeur de l'Institut d'études occitanes du Limousin. Le retour à la terre, le revival des musiques traditionnelles, il y a tout ça, ça bouillonnait, puis évidemment, le Limousin est toujours un peu à la traîne, mais il est toujours dans les mouvements. Il y est à chaque fois. Même la Creuse, qui on pourrait dire, il n'y a rien, il y a des trucs, il y a toujours des trucs. Le mouvement occitan de l'époque, c'est lié à des... comment dire, à des luttes sociales. Alors, on pourrait en citer plusieurs. Il y a eu une période, dans cette période-là, où toute une série de petites industries régionales ont fermé. Il y a eu beaucoup de restructurations qui ont touché un tissu de petites entreprises qui s'étaient installées en Limousin, donc sur le... Argentat, Château-Pensac, enfin il y a eu Maveste en Bazac, l'usine Maveste de vêtements. Il y a eu tous ces. Alors, ça, c'est pas la même année, ça s'est passé sur 5-6 ans, ces restructurations. Et nous, on était présents, là, si vous voulez. Bon. Et une des choses qui ont marqué, c'est vrai que je retrouve, c'est l'affiche qu'on a faite, qu'on a collée un peu partout, alerte Limousin en zone interdite. Donc, une affiche qu'on a collée un peu partout qui expliquait un peu voilà, ce que devenait le Limousin. On a collé ça partout. Donc, il y a eu cette mobilisation sociale où on s'est lié quand même à des actions, au fond, menées par le monde ouvrier, le monde paysan, dans les manifestations aussi pour les éleveurs de moutons, enfin, on a été présentes. Donc, cette époque-là a été marquée par. Au fond, je pense que ce qui l'a caractérisé, ça a été cette espèce d'articulation. De la revendication culturelle, économique, sociale aussi, bon, et alors, qui n'est pas propre au Limousin, parce qu'il y a eu, dans la même période, parallèlement, des choses importantes qui sont passées en Languedoc, autour de la viticulture. Et il y a eu donc des mobilisations très fortes du monde viticole, auxquelles le mouvement occitan a été associé. Bon, a pris part, quoi. Il a pris part, il a... était même pas moteur, mais il a joué un rôle important, parce qu'il a donné, au fond, à ses revendications aussi une dimension culturelle, avec la présence de tout ce qu'on appelle la nouvelle chanson occitane, avec Claude Marty, entre autres, hein, mais pas seulement lui, hein, avec aussi dans le théâtre, avec le théâtre de la carrière, enfin, avec, il y avait quand même tout un ensemble de choses qui se sont produites, alors, d'une manière plus intense hein, en Languedoc hein, qu'ici. Mais c'était le même phénomène. D'ailleurs, à tel point que je repensais là, un magazine qui ne paraît plus, enfin, qui s'appelait Occitanie Nouvelle, Occitanie Nouvelle, avait dit que, en 1973-1974, je crois que, un des éléments importants de l'année qui venait de s'écouler, c'était une édition de janvier, c'était la montée d'une conscience occitane dans les Limousins, qui justement était jusqu'à présent restée à l'écart du phénomène occitaniste proprement dit. D'occitanisme moderne. par opposition avec le Philippe Brige, qui était d'ailleurs qui se définissait pas comme occitaniste, mais comme plutôt d'abord les Philippe se définissait comme provençaux plutôt ou méridionaux, et pas comme occitaniste, hein, c'était autre chose. Et ensuite, il y a une période un petit peu de pause hein, quand même dans à la fin des années 80, 90. Là, ça se met un petit peu en pause. Il y a eu beaucoup de promesses avec l'élection de François Mitterrand. Malheureusement, ça n'a duré que 2 ans et bon, ben, tout le monde connaît un petit peu l'histoire. L'alliance avec les communistes, ça s'arrête et finalement on revient à une politique un peu plus libérale. Et ça met un frein un peu à tous ces mouvements qui espéraient beaucoup, de tout ça. Et il avait promis beaucoup de choses pour les langues régionales. Malheureusement, ça n'a pas été tenu. Et c'est seulement à la fin des années 90, deuxième moitié des années 90, qu'il y a un nouvel essor, et en Limousin en particulier, avec l'Institut d'études occitanes qui renaît. Et il y a des nouveaux auteurs, des jeunes auteurs, comme Bénédicte Bonnet, par exemple, qui commençait à écrire à la fin des années 2000. Heureusement, on avait fait pas mal de travaux dans les années 60, 70, même 80, travaux de lexicographie, lexicologie. Donc on avait des bons dictionnaires en Limousin, les travaux de Lavalade, de Yves Lavalade, par exemple. Et puis on a toute l'œuvre de Marcel Delpastre, hein, qui était très, très, très marquante hein, pour toute une génération, pour ma génération qui a découvert ses œuvres à la fin des années 90, en gros. Et puis la littérature de Jean Domeillo aussi. Hein. Alors c'est toujours un peu sombre, hein, c'est souvent un peu sombre. Il y a parfois, certains ont reproché une certaine coupure avec le peuple, ce qu'eux n'ont jamais voulu pourtant. Hein. Quelqu'un comme Jean Domeillo, c'est un littéraire, c'est un philosophe, c'est un conteur, c'est un chanteur, c'est un artiste, un intellectuel, tout ce qu'on veut. N'empêche qu'il a voulu une littérature populaire. C'est ce qu'il a essayé de faire avec Michel Chadeuil dans L'Oulébert à Aubray, qui est une petite revue qui paraît très irrégulièrement, mais qui a voulu revenir un peu aux sources de la langue et de la culture limousine. Voir la langue aujourd'hui, la langue limousine, enfin, la version occitane du Limousin, était un état, on va dire, résiduel. Bon, c'est-à-dire que finalement, les locuteurs spontanés sont essentiellement des gens quand même très âgés. Bon, qui malheureusement sont dans une dernière phase de leur existence. Bon. Et d'autre part, il y a un certain nombre d'initiatives qui existent autour de la langue limousine, la calendrette, il y a des publications, il y a des activités, des soirées, ceci c'est en fait, je pense, essentiellement une sorte de reconstruction. C'est souvent fait par des gens qui ne sont pas au départ des locuteurs naturels hein, et qui ont fait une démarche volontaire hein, de recours, je dirais, à l'occitan. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui voulu, alors que l'état de la langue, pour ces locuteurs spontanés, naturels, qui sont les derniers, était quelque chose d'hérité. Voilà, donc, et de, comment dire, qui faisait partie de leur environnement social, naturel. Bon, si vous voulez, pour prendre une image, il y avait un journaliste de l'Express qui, dans les années 70, avait fait une enquête sur les différentes langues de France. Il n'y avait pas que l'occitan, en fait, il était venu en Limousin. Et il avait rencontré un de nos collègues linguistes, qui est auteur d'un dictionnaire, Gérard Gonfroy. Bon, et alors il avait beaucoup aimé un mot que lui avait donné Gérard Gonfroy. Gérard Gonfroy l'avait fait remarquer. Il a dit, on peut désosser une voiture en occitan. Bon, voilà. Un garagiste, ouais, peu. Mais aujourd'hui, je pense que personne ne désosse un ordinateur en occitan spontanément, un réparateur d'informatique. Bon, voilà. Donc, et puis même une voiture, d'ailleurs. Bon, voilà. Donc, Oui, c'était un état, au fond, spontané et naturel, où finalement la langue occitane était même mobilisée pour, dans le cadre d'activités techniques qui étaient, enfin, voilà, relativement modernes, en fait, voilà, l'automobile, enfin, etc. Bon, c'était pas simplement la charrette, et, bon, c'était passé aussi au stade de la motorisation, on va dire. Mais là, on ne peut pas dire que ce soit le cas aujourd'hui. Donc voilà un peu l'état des lieux. Donc vous voyez, d'un côté, un usage, au fond, naturel de la langue qui s'est complètement rétracté, hein, et d'autre part, un usage volontaire, un recours volontaire, donc délibéré, finalement, à cette langue de la part de différents groupes ou acteurs. Bon, pour finir un peu sur l'idée que j'avais là, c'est que ce qu'on disait, si vous voulez, à un moment donné, c'est finalement, la langue occitane, c'est la langue de l'intimité. Elle n'existe plus dans l'espace public, elle n'est pas utilisée dans l'espace public, mais c'est une langue des relations voilà, privées, c'est une langue de la maison, etc. Bon, voilà, sabadentra, bon, voilà, donc... Mais maintenant, c'est vrai que je dirais que ce que je voulais vous dire, au fond, c'est que même dans l'espace intime, la langue n'est plus utilisée. Voilà, c'est ça, au fond, le problème. Voilà. C'est que c'est pas simplement l'espace public. Et peut-être paradoxalement, justement, c'est un paradoxe, elle sera peut-être plus utilisée, exemple, le titre du journal de Saint-Sylvestre, dans l'espace public, que dans la vie de tous les jours. Ici même, voilà, dans les monts d'Ambazac à Saint-Sylvestre, où la municipalité là, qui s'est mise depuis quelques mois, enfin un peu moins d'un an, à éditer un journal, a donné un titre occitan maintenant, le journal des Saint-Sauvêtres, voilà. Le titre du journal est en occitan. Voilà. Donc, voilà. Et donc là, il y a un recours volontaire donc, qui indique quelque chose. Quand même. Voilà. Des vases communicants, la raréfaction, c'est-à-dire qu'il suffit qu'une chose se raréfie pour qu'elle prenne de la valeur, voilà, que son capital sympathie augmente. Ouvrir un cours d'occitan dans la campagne autour d'Ambazac dans les années 80, vous auriez eu 2-3 militants, voilà, quelques curieux, mais pas grand monde. Ouvrez-le aujourd'hui, moi je veux bien dire, on ouvre un cours d'occitan à Ambazac demain, on trouvera du monde. Parce que justement, il y a ces gens-là qui sont en demande. C'est-à-dire que c'est quand une fois que la casserole de lait est renversée que, qu'on plaire sur le lait qui est répandu. Voilà, et là, il y a une... Et puis les gens sentent bien qu'on est dans une civilisation quand même qui uniformise vachement. Puis une civilisation dans laquelle on se sent... On sent bien qu'on est au bout de quelque chose. On ne sait pas ce qu'il y a après, mais il y a le sentiment que les espèces, la biodiversité s'effrite. Enfin, les gens sont de plus en plus conscients de ça. Et ils sont conscients que leur biodiversité culturelle aussi. Nous, si enfin, moi, dans mon cas, si je milite en Limousin, c'est pas tant pour former des locuteurs, parce que personnellement, je n'y crois plus, mais c'est pour qu'au moins on arrive à une sorte de reconnaissance, donner une conscience aux gens. Qu'ils sont dans une région qui a une identité. Alors, c'est pas leur donner une conscience pour qu'ils aient envie d'aller foutre sur la gueule aux Charentais parce que c'est des étrangers ou. Voilà, c'est simplement voilà, qu'ils sont de quelque part. Puis, la plupart du temps, les gens, ils sont attachés d'où ils sont, mais ils savent pas pourquoi ils sont attachés. Donc, c'est des éléments forts quand même. La langue de la mer. On le sent, de toute façon, il n'y a même pas besoin de nous. Maintenant que la langue disparaît, les gens le ressentent d'eux-mêmes parce que la mémé meurt, voilà, ils n'entendent plus la langue et il y a quand même un environnement linguistique qui leur manque. Voilà, c'est une forme de Madeleine de Proust. Moi, ce que j'observe, mais je ne suis pas le seul, on part d'un constat très simple. Tous les gens qui nous ont donné envie de nous intéresser à la langue occitane, parce que c'était leur langue maternelle, parce que c'était nos grands-parents, c'était nos voisins, des gens qu'on connaissait dans les villages, etc., ou dans certains vieux quartiers de Limoges, tous ces gens-là étaient nés avant 1940. Et tous ces gens-là sont en train de mourir. C'est mathématique, c'est comme ça. Donc là, on est dans une situation très compliquée où pourquoi militer pour l'Occitan alors que le socle des locuteurs naturels, comme on dit parfois, est vraiment quasiment disparu et les derniers, les quelques centaines qui restent ou quelques milliers qui restent sont tous en train de mourir, sont quasiment tous en maison de retraite ou en EHPAD, voilà. Concrètement, les gens qui font du collectage, comme l'IEO, tout ça, vous diront qu'ils peuvent maintenant aller dans certaines communes de 600, 700 habitants et avoir beaucoup de mal à trouver un locuteur naturel de l'occitan. Alors que dans les années 90-2000, on en trouvait par dizaines, hein, dans chaque commune. C'était pas, voilà. Donc là, on est dans une situation quand même très décourageante. Et le paradoxe, c'est que l'idée occitane, mais ça pour moi c'est un peu secondaire, mais déjà, l'idée occitane, l'idée de la valeur de cette langue, des dialectes occitans, du fait que ce soit pas un patois, c'est-à-dire une langue, un charabia, ou une langue parlée par quelques cutéreux, l'idée de la langue occitane, l'idée occitane a beaucoup progressé. J'ai des collègues, j'ai des amis, j'ai des usagers ici qui viennent à la bibliothèque. Les gens de plus en plus, quand ils veulent parler de la langue de leurs grands-parents, disent l'occitan. Ah ben moi, ma grand-mère, elle parlait occitan du Limousin, elle parlait l'occitan limousin, tout ça. Et voilà, on est dans ce problème terrible, c'est-à-dire qu'au moment où la population accepte que cette langue, c'est pas un vulgaire patois inutile, mais que c'est un patrimoine qui peut être intéressant, précieux, riche, et puis ça suit un mouvement de société globale. Les gens se retournent quand même vers les racines, vers du concret, je pense qu'on revient un peu des vapeurs de la Startup Nation et du tout numérique et tout ça, et les gens ont besoin un peu de concret. Ont besoin de campagne, ont besoin de racines, ont besoin de choses saines, de bio, de l'authentique, de machin. Et donc au moment où les gens pourraient se réintéresser à cette langue, on n'a plus le socle solide des locuteurs naturels et des gens qui parlaient cette langue par milliers dans la région. Alors, c'est comme ça dans toutes les régions occitanes. Et voilà, Donc pour moi, c'est très problématique. Ça, c'est quelque chose qui est assez douloureux aussi. À titre tout à fait personnel, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à me motiver à militer ou à faire, d'ailleurs je le fais plus, à militer ou à promouvoir l'utilisation d'une langue alors que ce socle-là des locuteurs naturels disparaît et a quasiment disparu. La langue, quoi qu'on y fasse, et ça tout le monde, de bonne foi, tout le monde doit être d'accord avec ça, n'a plus la même saveur, n'a plus le... On parle parfois, certains copains parlent d'une langue hors sol. Le paradoxe, c'est qu'on a l'occitanisme a milité pendant 40 ans pour que l'occitan soit pas cantonné à un petit coin de campagne et pas vu comme un petit patois de paysan. Mais on a voulu dire que c'était une langue qui, et c'est vrai, qui était dans le temps parlée dans toutes les villes occitanes et tout ça, que c'était une langue qui pouvait parler de la modernité, qui pouvait tout dire, qui pouvait parler de science, de philosophie, de tout ce qu'on veut. Et donc paradoxalement, l'occitanisme, pendant 40 ans, 45 ans, a essayé de faire rentrer ça dans la tête des gens. Et en même temps, aujourd'hui, les occitanistes, comme moi, les gens qui ont été occitanistes longtemps, on a du mal à voir l'intérêt de n'entendre l'occitan que dans des réunions occitanes en ville, de militants occitans, etc., où chacun vient un peu avec son dialecte et avec son... avec sa façon de parler, et bidouille un peu sa langue pour essayer de l'adapter à la modernité, ou à la politique, etc. C'est dur à exprimer ce que je suis en train de dire, mais voilà. C'est ce qu'on appelle un peu l'occitan hors sol. C'est-à-dire que moi, plus d'une fois, souvent deux fois, comme on disait, je me suis retrouvé dans des réunions occitanistes, où on vient certains de Creuse, de Charente-Limousine, de Dordogne, etc., où on se met tous un peu à parler... une espèce de couéné ou d'occitan limousin normalisé. Et puis souvent, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, en fait? Là, on est tellement loin de la langue de mon arrière-grand-mère, on est tellement loin des mots qu'elle utilisait, des sujets dont elle parlait, etc. Quel sens ça a d'être dans une salle de réunion en ville ou dans un bar en ville et de parler entre jeunes cette langue? Voilà. La vie s'est standardisée. Et de quoi peut parler la langue occitane limousine, quoi? De quoi elle peut parler? Est-ce que c'est intéressant qu'elle parle de ce nouveau mode de vie dans lequel il n'y a plus de particularismes régionaux et locaux? Voilà. Une personne vit de la même façon dans l'agglo de Limoges que dans l'agglo de Montpellier, que dans l'agglo de Rennes, de Nantes, et à peu de choses près, je veux dire, on vit de la même façon partout. On consomme pareil, on vit de la même façon partout. Est-ce que l'occitan a sa place pour dire un monde qui est le monde standardisé, qui est le même qu'à Metz, Nancy, voilà. Donc on est nombreux à avoir du mal avec cette idée. Donc on n'a plus beaucoup de locuteurs premiers, ils sont tous très âgés, ils sont tous très âgés, on a fait beaucoup de collectage, de collecte de la parole, on aurait peut-être même pu en faire davantage, mais il aurait fallu plein d'enquêteurs. Donc aujourd'hui, ceux qui parlent, c'est soit des personnes très âgées, soit des gens qui ont voulu récupérer la langue, grâce à l'occitanisme en partie, en allant fouiller dans tout ce qui a été produit. Donc les collectages, les chansons, la création littéraire, et qui se remettent à ça. Mais ça reste un peu marginal, malheureusement. Pour que la langue se maintienne, il faudrait un fond de locuteurs qui soit beaucoup plus important que ça. Il y a des écoles où on apprend la langue. Seulement, oui, les enfants vont apprendre la langue, mais quand ils voient que dans la société, il n'y a pas de représentation sociale, ou très peu, à la marge, de la langue, ils ne vont pas en avoir d'utilité. Ils vont pas en avoir d'utilité. Et beaucoup de petits calendrous, des enfants qui vont à la calendrette, après l'école, au collège, puisqu'il n'y a pas de collège calendrette en Limousin, il y en a ailleurs, il y en a deux ou trois, ils arrêtent de parler, quoi. Ils arrêtent de parler. Ou alors, ils font une option dans un lycée, donc ça va continuer dans un collège ou un lycée, ça va continuer un certain temps, et puis après, à l'âge adulte, la plupart, ils abandonnent la langue. Ils abandonnent la langue, sauf à devenir militant pour la langue. Ce qui peut arriver aussi. À devenir militant pour la langue, ça impose d'avoir une conscience sociolinguistique, voire politique, d'engagement pour faire en sorte qu'elle se pérennise. Alors si elle se pérennise, ça va être dans des cercles réduits, très probablement. Je vois mal comment aujourd'hui on pourrait faire pour qu'elle se redéploie, en tout cas comme ça a été le cas jusque dans les années 40, ce ne sera assurément pas le cas, mais même à une dimension un peu plus modeste, ça va être très très compliqué quand même. Ça va être très très compliqué. Il en restera toujours des traces grâce à la littérature, grâce à la chanson. Alors, bon, pourquoi pas. Il y a des stratégies en sociolinguistique, il y a des stratégies pour essayer de redynamiser une langue, pour de revitaliser, on dit, une langue. Des gens comme Robert Laffont, qui ont beaucoup compté dans le milieu occitaniste, a théorisé des manières de revitaliser une langue. Alors, revitaliser, c'est une métaphore vitaliste, donc vie et mort des langues. Tout le monde ne l'envisage pas aujourd'hui forcément toujours de cette manière-là. Quelqu'un comme James Costa, qui est un chercheur à la Sorbonne Nouvelle, est plus orienté locuteur que langue elle-même. On fait souvent de la langue un objet un petit peu à part, mais en fait, la langue, elle existe que dans l'esprit des gens qui la parlent. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait dire « moi, je connais toute la langue, et la langue, c'est ça, c'est un objet, elle est contenue dans le dictionnaire, la grammaire, nanana. » Non. Donc bon, il y a une approche vitaliste qui s'oppose parfois à une approche plus locuteur. Bon, dans l'approche vitaliste, donc pour redonner vigueur à une langue, il y a toute une série d'étapes pour retrousser la diglossie. Là, je reprends les mots de Robert Laffont. La diglossie est une situation d'une communauté bilingue dans laquelle une des deux langues a un statut sociopolitique inférieur. Mais quelqu'un comme Joshua Fishman aussi a beaucoup théorisé ça. Donc il donne toute une stratégie de revitalisation de la langue. Alors en quoi ça consiste? Eh bien, soit en des choses très concrètes, à partir d'une base de locuteurs restante, former de nouveaux locuteurs qui vont eux-mêmes pouvoir enseigner à des enfants. Alors d'abord, à une échelle locale sur certains, dans certains domaines. Je ne sais pas, ça va être apprendre aux enfants des comptines pour qu'ils puissent devenir, pour qu'ils puissent avoir une première approche et puis finalement faire des locuteurs pour qu'on utilise la langue dans l'administration et qu'ensuite on utilise la langue dans la littérature et qu'ensuite on l'utilise à tous les niveaux, dans tous les médias. Enfin, voilà, c'est gradué tout ça. Hein. Et puis, des approches un peu plus sociolinguistiques, comme Robert Laffont, qui visent à déconstruire les représentations et les attitudes des gens. Alors, le mot patois a souvent été vécu comme un stigmate de la diglossie. Donc, ça consiste, la sociolinguistique de Laffont consiste à déconstruire ce stigmate et à voir quelles attitudes ça engendre. Alors, il y a des stéréotypes positifs et des stéréotypes négatifs. Je ne voudrais pas faire un coup, mais bon, en gros, les gens sont à la fois attachés à leur langue, à leur patois, et en même temps, ils en ont honte. Bon, c'est le mot qui est utilisé, la vergogne, le complexe de honte. Pour donner un exemple simple, le patois, c'est la langue du cœur, ils seront toujours très fiers, souvent très fiers, mais s'ils doivent la parler, par exemple, dans le train pour Paris, et qu'il y a d'autres personnes qui sont là, autour, et qu'ils ne vont pas avoir envie qu'on les entende parler patois, parce que c'est la langue des paysans, quoi, en gros. Alors aujourd'hui, il n'y a plus tellement l'occasion de la parler dans le train pour Paris, mais il y a encore 30 ans, ça pouvait être courant. Et bien malgré tout, on entendait peu parler patois, quoi, dans le train pour Paris. Autant on pouvait l'entendre facilement sur un marché, ici, à Chalut ou à Nexon, autant dans le train pour Paris, non, c'était moins faisable. Donc en essayant de déconstruire ces approches, ce qui demande un travail de fourmi, hein, ça demande une standardisation, une codification graphique, toute une planification linguistique, tout un aménagement linguistique, ou encore on dit aussi une politique linguistique. Si ce n'est pas soutenu par une administration, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il faut vraiment... certaines personnes pensent que on va pouvoir renverser la diglossie sans recourir à l'État. C'est très très très compliqué. Il faut au minimum une autonomie, ce qui implique une décentralisation. Alors en France, c'est pas pour demain apparemment. Hein. Il n'y a que de rares territoires qui bénéficient. De pouvoir décentraliser. Alors, il y a une déconcentration de l'État, ouais, mais pas une décentralisation véritable, puisque les régions ont peu de pouvoir. Mais comment ça se fait qu'à un moment, il y a eu ce tournant qui fait qu'on a abandonné, on a complètement arrêté, que les paysans ont complètement arrêté de parler la langue à leurs enfants? Ça s'explique par des faits sociologiques, quoi. Mais c'est quand même assez étonnant. D'un seul coup, paf, on se dit... on arrête là, quoi. On arrête là, on transmet plus la langue. On trouve encore des locuteurs premiers après les années 40, mais ils deviennent plus rares. Alors aujourd'hui, on est dans une situation où parfois on parle même de post-diglossie, puisque les petits-enfants, alors les arrière-petits-enfants même, certains ne savent même plus qu'il y a eu une autre langue. Et ça devient très compliqué, parce que quand la mémoire qu'une autre langue existait se perd, c'est même pas la mémoire de la langue, quoi, c'est la mémoire que ça existait. On se dit il y a une étape de plus qui est franchie, quoi. Avec le développement des États modernes, c'est la principale langue véhiculaire de l'État qui détruit les autres. Donc en fait, la diversité linguistique, elle est en train de s'effondrer ou de reculer très rapidement, et c'est dans le monde. Donc en fait, oui, justement, alors on peut dire, quand on est d'origine occitane, on peut vivre ça comme un drame occitan, enfin comme un drame ou comme un changement, mais enfin, je veux dire comme un phénomène propre. Mais en fait, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large, qui inclut complètement l'Afrique et le reste du monde. C'est-à-dire qu'en fait, avec le développement des États modernes, des systèmes de scolarisation de masse, des médias, et puis de mouvements de population exacerbés et de commerce aussi de plus en plus intense entre les différentes parties du monde, ben les échanges se multiplient par je ne sais pas combien. Et donc, en fait, c'est de plus en plus dur pour une communauté locale de préserver sa langue. Hein. Ce n'est pas toujours possible. Et donc, finalement, voilà, je me suis rendu compte en rencontrant d'autres communautés que voilà, finalement, le cas occitan n'est jamais qu'une variante d'un phénomène qui est en train de se reproduire dans beaucoup, beaucoup d'endroits du monde. De nos jours, c'est plus, voilà, maintenir des langues minoritaires, ça ne peut se faire qu'avec une politique en faveur de ces langues. Sinon, effectivement, elles vont toutes disparaître, aussi bien en Europe qu'en Afrique qu'ailleurs. Cette série documentaire est réalisée par Lettres à la Loupe. Nous remercions toutes les personnes entendues dans cet épisode et celles ayant permis à ce projet de voir le jour. L'Institut d'études occitanes du Limousin nous a aimablement partagé certains éléments sonores entendus dans cet épisode. Merci encore au groupe Cocania pour nous avoir permis d'utiliser le morceau entendu en début et fin d'épisode. Ceux-ci sont consultables sur la plateforme d'archives sonores Lobiaso, accessible en ligne sur leur site internet. Dans le second épisode, nous vous emmenons à la découverte d'initiatives cherchant à préserver la langue occitane en Limousin. A bientôt, adieu.